meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Nous recevons ce soir un artiste hors norme qui était déjà venu nous voir rapidement en 2015 aux côtés de Save the King. C'est ce soir son Blues Café, rien qu'à lui, monsieur Olivier Gauthier. Et oui Cédric, tu l'as dit, un artiste hors norme. Depuis 2011, il ne cesse de perforer le blues de sa lap steel guitare, une fameuse Wessenborn. Et avec une voix remplie de groove et des chansons pleines de créativité en bandoulière. L'émotion naturellement en plus. Quel chemin parcouru en tout cas. Oui Francis, depuis la rue où il chantait pour se faire connaître, Olivier Gauthier est monté sur les grandes scènes internationales. Il était venu dans le Blues Café à ses débuts. Il faut croire que cela lui a plu car il est de retour parmi nous et avec un tout nouvel album dont il nous livrera quelques secrets. Mesdames et messieurs, sur la scène du Blues Café, voici que va apparaître Olivier Gauthier. Faites-le venir. I'm living life. merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci encore. Vous écoutez bien le Blues Café avec Olivier Gauthier. Ce soir notre invité sur la scène du Blues Café Live, et on va lui demander de nous rejoindre parce qu'on a beaucoup de choses à lui dire à Olivier. Déjà on va le remercier d'être venu et surtout de nous réserver cette belle exclusivité. Son nouvel album ne sortira qu'à l'automne, il s'appelle A Way to Win. Voilà, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Olivier, tu as dit un jour, parce qu'on a tout sur toi, hein, on a fouillé les dossiers, le blues, le blues est une musique qui appartient à tout le monde. Tu voulais dire quoi en fait, Olivier ? Je voulais dire que c'est une musique qui a été créée dans un endroit particulier, aux États-Unis au début du siècle dernier, avec, on le sait bien sûr, l'esclavage, les champs de coton et le reste. Mais après c'est tellement la mère matrice d'énormément de styles de musique et de musique qu'on écoute aujourd'hui à la radio ou ailleurs, que oui, en ça je trouve que le blues est la matrice et la mère de toutes les musiques, et donc un petit peu la musique de tout le monde. Alors on est allé rechercher aussi dans ce que tu nous avais dit la dernière fois, et tu avais dit autre chose, tu avais dit le blues est la musique qui me plaît le plus, le fait de vouloir s'en éloigner c'est tout simplement pour trouver son propre chemin. Bah justement avec cet album Way to Win, on a eu l'impression quand on l'a écouté, d'abord on te l'a dit, on va le dire dans le micro, mais c'est un album qu'on a beaucoup aimé. Les gens qui nous écoutent devront attendre le mois d'octobre à peu près. Mois d'octobre, alors j'ai pas une date précise mais c'est sûr au mois d'octobre. Voilà, sortie. Donc on a eu, c'est le privilège... d'être animateur radio, on a eu le plaisir de l'écouter un peu avant tout le monde, on a beaucoup aimé cet album et justement on a l'impression que tu as su peut-être un peu plus que sur les albums précédents t'éloigner du blues. Est-ce que justement tu l'as trouvé ce chemin? Tout d'abord merci, merci de l'avoir écouté, très heureux que ça vous ait plu, et puis bah, c'est tout à fait ça en fait, c'est tout simplement la continuité de la compréhension de qui je suis et de quel est mon chemin dans la musique et avec les armes que moi j'utilise, donc qui sont bah, notamment le blues. Et effectivement, pour en revenir à l'interview qu'on avait fait la dernière fois, pour moi c'est vraiment ça, le blues ça vous donne un cadre mais qui est vraiment très très simple et qui permet et qui demande même à ce qu'après la personne qui le fasse y mette son énergie, son émotion, son ressenti, voilà, dans un cadre très simple, défini mais très simple, compréhensible de tout le monde, voilà, même de tout niveau je dirais, de musicien, mais en tout cas voilà, qui par contre demande vraiment à ce que la personne y jette quelque chose à l'intérieur, sinon ça fait quelque chose d'assez plat et d'assez linéaire. Oui, en fait, si les chemins un peu divergent, l'esprit reste le même malgré tout, ou l'esprit bouge aussi avec les contingences techniques, les nouveautés que tu peux intégrer, parce que dans ton album, on aura l'occasion d'en parler, il y a quand même des choses un peu différentes. Moi, j'ai bêtement écouté des musiques quand j'étais plus jeune qui m'ont touché, il s'est trouvé que c'était du blues, donc j'ai commencé à faire ça, et après, dans mon positionnement par rapport à mes albums, c'est vraiment le même, c'est essayer de reproduire, de refaire ce qui, moi, m'a touché dans ces musiques. Après, là, par rapport à cet album, effectivement, c'était aussi faire ça avec les instruments du jour. C'est-à-dire qu'on n'a plus de champs de coton, on n'a plus les canettes qui coincaient en dessous de la semelle de chaussure pour faire résonner le pied ou autre. Maintenant, on a des instruments, d'autres instruments rythmiques et autres. Voilà, que moi, en tout cas, j'avais vraiment envie de coupler avec cette musique et de marier à cette musique qui, finalement, est restée un petit peu dans son jus. Voilà, le but du jeu, c'était de la remettre un petit peu au goût du jour. Alors, on n'a plus les champs de coton, mais tu remarqueras quand même que le Blues Café, c'est dans les marais et les bayous sont là. Oui, et puis moi j'utilise une Weizenband qui est faite par un luthier qui s'appelle Sébastien Coton, donc là finalement aussi pareil, il y a une espèce de continuité, moi qui aime beaucoup les fils rouges, voilà, pour le coup voilà, on s'y retrouve tout à fait, c'est bien. Tu l'as entendu chanter, parce que ça aurait été un joli chant de coton pour le coup, non? Alors je l'ai entendu chanter, mais bon, on va pas s'étaler dessus, c'est vraiment un très bon luthier. Alors justement, puisque tu parles de luthier, difficile de ne pas parler de ton instrument, la guitare Weizenborn, je ne sais jamais tellement comment le prononcer, mais voilà. Tu l'as bien dit. Est-ce que tu peux nous en parler de cet instrument qu'on voit finalement assez peu souvent? Ben Harper a été très connu pour l'utiliser. C'est lui beaucoup. Qui l'a. Ouais, tout à fait. Pardon, je te coupe. C'est un petit peu lui qui l'a remis au goût du jour. Donc en fait, rapidement, c'est un instrument traditionnel hawaïen qui sert à faire de la musique hawaïenne avec un cycle ukulélé. C'est vraiment qu'on les deux. On entend sur ton nouvel album aussi. J'ai oui, bien alors il y a une chanson. Ukulélé, ouais, comme il était sur l'album précédent. Ouais. Là, pareil, j'ai voulu faire. Donc il y en a qu'une qui arrive à la fin, mais effectivement, ouais, une chanson au ukulélé. C'est un instrument traditionnel de la musique hawaïenne. La jolie histoire veut que là-bas, même les hommes ont des cheveux longs, et qu'un guitariste, en ayant pris sa guitare, il avait un peigne en os qui attachait ses cheveux. Le peigne est venu glisser ses cheveux et est tombé sur la guitare et a produit ce fameux son en glissant d'eau. Et donc de là, la personne aurait eu l'idée de développer cet instrument et cette manière de jouer. Voilà pour alors, je vais te dire que ça m'arrive souvent que le peigne glisse de mes longs cheveux, mais pour autant, je n'ai pas créé de nouvelle guitare. Alors, c'est certainement après un petit peu romancé, mais comme toute histoire, il doit y avoir un petit peu de vérité là-dedans. De toute façon, il a bien fallu que ça s'invente à un moment donné. Alors, Olivier, à force de jouer sur les scènes, parce que depuis que tu étais venu dans le Blues Café, tu as fait de très nombreuses scènes. Tu as rencontré évidemment pas mal d'artistes, même Santana à Vienne. Oui. Et est-ce que ça... Que j'ai rencontré pour le coup. Je, oui, j'ai fait sa première partie, mais j'ai eu la chance de pouvoir parler. Oui, mais il nous l'a dit, hein, il nous a parlé de toi. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça t'a un peu influencé dans ta musique et tes textes, toutes ces rencontres. Non, mais pas que les rencontres m'ont marqué. Enfin, moi, je mon livre de chevet, c'était la VHS de Woodstock quand j'étais jeune. Je veux dire, Carlos Santana. Enfin, je me suis endormi toutes les nuits avec. Donc, c'était vraiment un rêve et forcément que ça nous donne envie de continuer. Après, est-ce que c'est lui qui a influencé telle ou telle chanson ou tel riff? Malheureusement, je dois dire la vérité, non. Lui et d'autres personnes, en tout cas, pas vraiment au niveau des notes et des choix de texte. Là, c'était vraiment des choix de texte, c'est plutôt sociétal, c'est vraiment par rapport à la société. Et voilà, après, oui, les rencontres vous influencent de toute façon. Et en plus, quel bonheur de rencontrer ces gens-là. Comme je vous le dis, c'est des gens dont on a écouté les CD, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait monter sur scène. De pouvoir un jour leur serrer la main et leur dire merci, c'est de toute façon incroyable. Et ça nourrit pour qu'on... Ça m'a permis de continuer, voilà. Après, avec la difficulté peut-être des choses, ça m'a permis de continuer à être musicien. En tout cas, il nous a dit que visiblement, il aurait été beaucoup influencé par toi, Carlos Santana. Il vous en a dit des choses. On l'a appelé pour préparer cette émission. Ben Harper aussi, d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux. Vous le passerez le bonjour. Vienne, justement, parlons-en, parce qu'on l'a dit. On t'avait découvert il y a quelques années. Tu jouais dans les rues du festival de Cahors, je crois, c'est ça, ou Cognac. Et d'autres. Exactement, j'ai fait ça, c'était en 2010. Voilà, et quelques années plus tard, on t'a vu à Vienne. C'est quand même un endroit qui est exceptionnel, le théâtre antique de Vienne. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive tout seul en plus? Tu n'avais pas le soutien de musiciens derrière? Non, et c'est finalement quand on regarde la programmation de Jazz à Vienne au niveau du théâtre antique, que ce soit en première ou en tête d'affiche, bah, y a très peu de personnes tout seules qui se sont présentées sur scène. Donc j'avoue que c'était pas mal de stress. C'était pas mal de stress même pour les directeurs du festival. Tout le monde était un petit peu à côté à attendre la réaction du public, mais qui a été très bonne, au contraire même, qui a été même vraiment positive finalement, parce qu'au regard de festival, bon voilà, on parlait beaucoup de moi en tant que découverte, mais en tout cas j'avais fait parler de moi. Et donc non, c'était un plaisir. Qu'est-ce qu'on ressent? À la fois rien, à la fois tout. Ça va vite en plus, parce que tu as joué... On y joue quoi? Une demi-heure là? C'est ça, exactement, c'était 35 minutes. Ouais. C'était 30 minutes, seul... et on est venu me prévenir que je pouvais faire 5 minutes de mais plus. Mais seul devant 6-7 000 personnes à peu près. Alors après, moi, c'est impressionnant quand même. C'est complètement impressionnant, comme je vous le dis. Après, moi, je suis toujours monté sur scène tout seul, que ce soit dans la rue, devant 8 000 personnes ou autre. Je suis tout seul sur scène, donc... Donc en tout cas je l'ai fait, comme je vous dis, j'ai eu la chance d'avoir un public qui m'a soutenu, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Donc oui, c'est un moment magnifique. Et en plus, comme l'a dit Cédric, ça faisait moi quelques années finalement que j'étais dans la rue, ça faisait pas 20 ans que j'étais musicien. Et donc rapidement, en ayant commencé dans la rue quelques années après, j'ai eu la chance de faire ça. C'était incroyable. L'impression que tu as eue de ce monde à Vienne, moi je l'ai eue lorsque je t'ai croisé en 2010 assis au milieu du boulevard au festival de Cahors, alors que tu n'étais pas programmé, c'était complètement improvisé. Non, et soudain autour de toi, il y a eu 300 personnes qui se sont regroupées. J'avoue que j'ai été un peu scotché. Mais moi aussi, comme à chaque fois que j'ai joué dans la rue, finalement, on fait ça parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a un moment donné où, en tout cas pour moi, j'ai commencé à faire la rue, j'avais déjà une trentaine d'années. C'était vraiment un besoin, quoi. C'était une envie, c'était un rêve, mais c'était aussi vraiment un besoin. Il y avait un moment donné où il fallait que ça sorte. Et donc on le fait un petit peu pour ça, avec beaucoup de gêne, beaucoup de... Et finalement, à chaque fois, quand on relève la tête, parce que moi, avec mon instrument, j'ai tendance un petit peu à la baisser, quand je relève la tête et que je vois... Voilà, toujours vu ces gens autour de moi qui se sont arrêtés, qui applaudissent, c'est toujours un grand plaisir, toujours une découverte. Olivier, dans cette émission, on a tendance à faire aussi découvrir au public et aux auditeurs des artistes, et on essaye à chaque fois de trouver des artistes qui peuvent coller à l'univers musical de notre invité. Ce soir, on a choisi deux groupes. Le premier, c'est un artiste qui s'appelle Logar. Est-ce que tu connais? Non. Alors Logar, c'est un artiste de la région, il sort son premier album qui s'appelle A Year in the Life. Il est sorti en mai 2018, il y a quelques mois, un album enregistré au studio L'Hacienda, c'est un studio qui est tout près d'ici dans l'Isère, et ses références devraient te plaire. Quand on lit sa bio, il cite Elliott Smith, Pierce Fancini, Neil Young, Fest, Ben Harper ou encore Nick Drake. Donc ce garçon a de bon goût, c'est un artiste qu'on entend depuis quelques mois sur Blues Café, la web radio, et ça nous permet aussi d'en dire deux mots, puisque c'est une nouvelle web radio que nous avons lancée, Francis, Mike Lécuyer et moi-même. Mike Lécuyer qui est un musicien et qui est également le fondateur de la chaîne du blues, voilà. Donc on s'y est mis à trois quand même pour vous donner du blues 24 heures sur 24. Félicitations, et notamment des extraits inédits de ce qui s'est passé ici sur cette scène. On est allé chercher des archives du Blues Café, donc n'hésitez pas à vous connecter sur Blues Café Radio. Com et on écoute Logar donc, et on est très heureux de te le faire découvrir avec ce titre qui s'appelle The Rose. Retour ici sur la scène du Blues Café. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abo et notre invité ce soir, il est sur scène. Il est prêt, Olivier Gauthier. Bonsoir. Cars and everything, but never nothing again. My house is my dreams, my car is my passion. When you fall down asleep, are you dreaming about possession? Put the man down in the hole with only his mind left with him. He's gonna raise his heart and soul. He's gonna find a way to be him. Put the man down in the hole. Heart and soul, he's gonna find a way to be here. You are building walls upon you, but I just wanna go somewhere and keep the human spoil for you and start to be your nightmare. You're on the banks and choose to lose the one that makes me a heart to breathe. Well, you look like a man, but think I'm the crow. Politics is something I don't believe. Politics is something I don't believe. Put the man down in a hole with only his mind left with him. He's gonna raise his heart and soul. He's gonna find where to begin. Put the man down in a hole with only his mind left with him. He's gonna raise his heart and soul. He's gonna find where to begin. Son nouvel album s'appelle Way to Win. Olivier Gauthier est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. Et la prochaine chanson que je vous vais interpréter s'appelle No Flowers, No Crown. Donc sans fleurs et sans couronne. I'm standing here today. I had to fight for my freedom and never and no crown. Il est notre invité ce soir dans le Blues Café Live et on aura l'occasion de parler encore avec lui de ce nouvel album Way to Win. On fait une petite pause avec Francis, une fois n'est pas coutume, un écrivain. On aime bien dans cette émission vous présenter des musiciens et on aime bien aussi vous présenter des écrivains. On avait eu l'occasion il y a quelques semaines de cela, notamment d'inviter Daniel Léon qui a écrit un roman sur le blues. Cette fois-ci, c'est monsieur Eric Douady, ce n'est pas un roman, c'est un livre, j'ai envie de dire encyclopédique, mais j'espère que ça ne fera pas peur à nos auditeurs, qui s'appelle Buried Alive in the Blues, et c'est l'histoire du blues rock américain sorti chez un éditeur qui s'appelle Le Mot et le Reste. Bonsoir Eric. Eh ben bonsoir, merci pour votre accueil. Buried Alive in the Blues, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir si c'est un hommage ou un clin d'œil à Janis Joplin, puisque c'est un titre qu'elle avait enregistré sur l'album Pearl, si mes souvenirs sont bons. Ben, oui, bien sûr, et elle n'a pas eu le temps de l'enregistrer, en fait, parce qu'elle est décédée la nuit précédant l'enregistrement. Et pas c'est à cause de ça. Non, pas à cause de ça. On peut l'écouter en toute sécurité. Et c'est un titre composé par Nick Gravenites, qui est un bluesman de Chicago, de la génération de... Oui, maintenant, il habite en Californie. Ouais. Enfin, maintenant, depuis quelques décennies. Mais à l'origine, il est de Chicago. Et c'est un peu l'histoire de sa génération, à lui, de musiciens que raconte ce livre. Des gens comme Paul Butterfield, Charlie Musselwhite, Johnny Winter, et etc. Alors, ce livre qui s'appelle, rappelons-le, Buried Alive in the Blues, c'est un gros livre hein, d'ailleurs. On aura l'occasion de revenir sur toutes les sources parce que c'est impressionnant. J'ai d'abord envie aussi de te demander pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre. Déjà, je pense qu'en tant que... Je ne lis pas beaucoup de livres sur la musique, en général. Enfin, j'en lis, mais je préfère écouter les disques. Et je trouve que, par contre, qu'il manquait quelque chose. On parle beaucoup du... Il y a beaucoup d'ouvrages sur le blues authentique, blues des origines, du Mississippi, etc., qui sont très très bons. Je pense le livre Les Voix du Mississippi de William Ferris, etc., etc. Enfin, il y en a beaucoup qui sont très bons. Il y a beaucoup d'ouvrages sur le blues rock anglais ou les débuts du rock anglais, les Rolling Stones, Eric Clapton, tout ça. Il y a très très peu de choses sur le pendant américain. Et moi, comme je suis fan de Paul Butterfield, Johnny Winter, tous les gens que j'ai mentionnés, eh ben, je me dis, il manque quelque chose. Voilà. Donc, alors justement, j'allais venir, il y a un parti pris éditorial dans ce livre, c'est... Tu es resté sur le blues rock américain, tu n'as pas abordé les autres styles, en tout cas le blues rock anglais notamment, et le British Blues Boom. Est-ce que c'est parce que l'histoire du blues rock américain est un peu particulière, et peut-être que c'est une musique qui est un peu plus accompagnée que d'autres, les changements sociétaux aussi dans ce pays? Oui, voilà, en fait, on parle souvent, quand on regarde chez les disquaires, il y a le rayon blues, et puis à côté, il y a le rayon blues blanc. Où ils mélangent les Anglais, les Américains, du moment qu'ils sont blancs. Moi, il me semblait que le blues américain, du fait de la proximité géographique, ce blues rock était beaucoup plus mixte en fait que blanc. Le groupe de Paul Butterfield, il y avait des noirs, des blancs. Ces musiciens-là apprenaient auprès des musiciens noirs, jouaient avec les musiciens noirs de leur âge et se produisaient devant un public noir, blanc. Ce que n'avaient pas effectivement les Anglais. Donc ça fait une grande différence. Et à mon sens, c'est ce qui explique le caractère subversif de cette musique à l'époque. Ce qui fait aussi le fait que ces musiciens-là sont beaucoup plus restés fidèles au blues, alors qu'on voit que les Clapton, les Rolling Stones, etc. sont très vite partis ailleurs. Eux, en fait, ils étaient viscéralement attachés à cette musique. Alors, le fil conducteur reste quand même les artistes blancs. Parce que le blues rock, ça reste quand même assez, assez blanc. Mais l'autre parti pris, c'est un fil conducteur chronologique. Oui, à peu près chronologique, en montrant un petit peu le devenir de cette génération. Alors ceux qui sont ceux qui ont eu un destin tragique, comme Michael Bloomfield, par exemple, ceux qui ont continué à travers les décennies, qui nous montrent un petit peu comment les artistes réussissent à travers les changements sociétaux, puis aussi les changements du music business, hein, de l'industrie musicale américaine. C'est pas toujours facile. Et puis montrer aussi les héritiers de ces gens-là. Aujourd'hui, quand on parle du blues rock, souvent c'est un peu fourre-tout. Souvent, on utilise ce terme-là pour qualifier ce qui est simplement du mauvais rock. Et en fait, je voulais montrer qu'il y avait des héritiers de Johnny Winter, de Michael Bloomfield et tout ça, qui méritent d'être entendus. Et qui, commercialement, tous ces artistes blancs de blues rock s'en sont très bien sortis. Ça, c'est la société américaine, c'est l'industrie musicale américaine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans le bouquin John Hammond, donc bluesman blanc de New York, qui a commencé en même temps que Bob Dylan, il s'interroge, il me dit, parce que je les cite beaucoup, ces gens-là, et il me dit, dans les années 70, moi, je faisais des albums sur tous les plus grands labels, Columbia, Atlantic, etc. Et il me dit, Waters, lui, il n'avait pas de contrat d'enregistrement. Et il me dit, ben, je ne m'expliquais pas ça, comment ça se fait? Donc c'est vraiment les États-Unis, le côté ségrégationniste dans la musique, quoi. Alors la ségrégation, tu le dis d'ailleurs dans le livre, tu cites Elvin Bishop qui parle notamment de l'importance des radios, donc c'est forcément quelque chose qui nous a un petit peu interpellés, et Elvin Bishop disait la ségrégation raciale était partout en ce temps-là, mais les ondes radio, ça, ils ne pouvaient pas les ségréguer. Il y a un vrai rôle de la radio aussi. Ah oui, complètement. Hein, ces musiciens-là, ils ont découvert le blues à travers les radios qu'ils pouvaient écouter fébrilement dans leur chambre d'adolescent, quoi, voilà. Alors qu'ils pouvaient pas aller se balader forcément dans les quartiers noirs, pas par peur des noirs, mais par peur des blancs qui allaient après leur chercher des noises en disant « t'as été là ». Voilà. La radio a joué un rôle vraiment très important et a poussé aussi les gens comme Bloomfield, Butterfield, Johnny Winter à aller, une fois qu'ils avaient un peu grandi, à aller écouter les musiciens dans leur sur scène, quoi. Voilà. Alors je disais tout à l'heure que c'est un livre qui est assez encyclopédique, mais en tout cas il se lit très bien et il se lit un petit peu comme on regarde un documentaire à la télé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu es la voix off de ce documentaire et que assez régulièrement tu fais parler les artistes parce que tu les cites même sur des très longs paragraphes et c'est très agréable, on le disait tout à l'heure en antenne, d'écouter ces gens-là avec leurs mots et leur franc-parler aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une façon de dire les choses, qu'ils ne disaient pas les choses à moitié. C'est vraiment un parti pris éditorial aussi que tu as eu de vouloir laisser de la place dans ton livre pour laisser parler les artistes. Ah bah oui, je suis content que tu dises ça parce que c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, j'avais en tête ce modèle un petit peu du documentaire. Je ne me voyais pas moi-même parler à la place des gens. Sachant que j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, y a un côté très très prétentieux, voilà. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de ces musiciens. Là, dans le bouquin, il y a une cinquantaine de musiciens qui sont cités, hein, avec qui j'ai fait des interviews, plusieurs, plus ou moins longues, etc. Et donc, je tenais à ce que ce soit eux qui parlent, qui racontent leur histoire, et pas moi qui brode sur quelque chose que j'ai pas vécu moi-même. Un artiste qui revient souvent dans ce livre, c'est Charlie Musselwhite. Tu ouvres le livre avec lui et tu le tu termines quasiment le livre avec lui aussi. Notamment avec sa rencontre avec Ben Harper, qui a été beaucoup influencé par Olivier Gaultier, on l'a dit. Mais Charlie Musselwhite, est-ce que pour toi, c'est en quelque sorte un peu l'inventeur du blues rock, justement, américain ? Non, il n'aimerait pas qu'on dise ça, parce que lui, c'est un musicien de blues avant tout. C'est un musicien de blues avant tout, mais il était là au début. Il était là au début avec Michael Bloomfield, qui est un guitariste de rock, mais aussi qui a fait ses classes dans le blues. Mais Musselwhite en parle comme un guitariste de rock. Mais Musselwhite était là au début, et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi je commence avec lui, parce qu'il amène avec lui, c'est un gars du sud, vraiment des classes populaires, etc., qui amène avec lui, en fait, bien qu'il soit blanc de peau, tout ce que les noirs véhiculent à travers leur musique, à travers le blues, tout ce vécu-là, lui, il l'a vécu. Et donc, c'est un artiste qui symbolise bien ce côté qui fait la spécificité du blues rock américain. Et je termine avec lui parce que, en ce moment, il est en tournée avec Ben Harper. Et donc, c'est un artiste qu'on a la chance de toujours avoir avec nous. Il faut aller le voir, il faut écouter ses disques. Et je me dis, les gens qui le découvrent avec Ben Harper, il fallait que quelqu'un leur raconte son histoire à Musselwhite. Cédric disait tout à l'heure que ton livre, et je suis complètement d'accord avec lui, avait un peu la forme d'un documentaire. Alors j'aimerais quand même préciser que tu es à la fois sociologue, tu fais de la recherche en sociologie, mais tu es aussi journaliste puisque tu écris depuis très longtemps sur la revue Soulbag. Donc tu as eu l'occasion naturellement de faire beaucoup d'interviews parce que c'est ce qui nous a aussi étonné dans ce livre, c'est les sources importante, considérable, sur tous les artistes que tu cites. C'est à travers les rencontres que j'ai faites, j'ai une cinquantaine d'interviews que j'ai mobilisées pour ce bouquin, et puis chaque interview, il a fallu la préparer, donc c'est des artistes que j'ai connus, et sur lesquels je me suis renseigné. C'est pas un boulot énorme, encyclopédique, j'ai pas voulu faire un livre encyclopédique académique, c'est pas un livre de recherche, c'est pas un livre avec très compliqué à lire. Non, c'est vraiment, j'ai voulu faire, j'avais le modèle comme Cédric a dit, du documentaire, avec le... Alors, Eric, c'est pas un livre de recherche, ceci dit, les gens vont le rechercher, ce livre. J'espère. Alors, ce livre, je rappelle, s'appelle Buried Alive in the Blues. Tu t'appelles Eric Doidy, on le trouve où ce livre ? Dans toutes les bonnes librairies, Le Mot et le Reste, donc Rayon Musique, normalement, si c'est un bon Rayon Musique, ils ont toute la collection, c'est une super collection de musique. Quel que soit le style musical que vous écoutez, et puis si votre libraire là-bas ne l'a pas, c'est que quelqu'un l'a pris avant vous, donc n'hésitez pas à lui commander, distribué par Harmonia Mundi. Eric Doidy, Buried Alive in the Blues. Merci beaucoup d'être venu. Je voulais également citer un autre livre qui sort en même temps d'un autre chroniqueur de Soulbag, d'ailleurs, je crois bien, Frédéric Adrian. Il sort une nouvelle biographie de Ray Charles, et la vie de Ray Charles se lit un peu comme un roman, je crois, de sa jeunesse effectivement dans la pauvreté jusqu'au triomphe qu'on lui connaît, et avec ce petit lien avec la France. Ray Charles aimait beaucoup la France. Je vous invite à lire aussi ce livre. Il est sorti chez Castor Music, c'est Ray Charles par Frédéric Adrian. On va retrouver Olivier Gaultier sur la scène du Blues Café. On est en live et en public ici tous les deux mois au Millennium. C'est à l'île d'Abeau dans l'Isère. Et on est très heureux de recevoir Olivier Gaultier qui vient nous parler de son tout nouvel album A Way to Win. Continue à taper des mains, mais en rythme cette fois. Ah. Ce soir sur la scène du Blues Café Live. Women a king, and never women Olivier Gotti. Merci. Olivier Gotti va nous rejoindre derrière nos micros. Et pendant qu'il arrive, Cédric et moi, nous voudrions remercier toute l'équipe du Millennium et la municipalité de l'Île-d'Abeau qui nous accueille tous les deux mois pour faire nos deux émissions. Et puis remercier aussi les bénévoles, parce qu'on les voit pas souvent, mais qui donnent un coup de main, notamment au catering, les repas pour les musiciens. Olivier Gotti, l'album s'appelle A Way to Win. On va en parler un peu en avant-première. Puisque l'album ne sortira qu'en octobre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Ce qui nous surprend, effectivement, on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, c'est le mélange entre des mélodies roots et des innovations rythmiques. J'entends par là que tu utilises pas mal de centros, mais il y a vraiment à la fois des relents de musique électro, aussi un petit peu de hip-hop qui arrive. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors déjà, techniquement, comment tu as procédé et pourquoi voilà, ce virage? En fait, le but de cet album, c'était vraiment de pouvoir marier cette fameuse musique blues aux instruments et aux sonorités qu'on entend aujourd'hui. Se laisser surprendre à écouter la radio et à s'apercevoir qu'il y a vraiment une uniformité au niveau des sons utilisés dans les chansons passées à la radio, quelle que soit la radio. Et donc vraiment, c'était ce constat-là, finalement, de s'apercevoir que le blues a été une musique qui a eu du mal à se régénérer, finalement, parce qu'elle a généré tellement de styles différents que finalement elle est restée vraiment dans son état brut. Et là, c'était une envie de la ramener un petit peu au goût du jour et effectivement d'utiliser le même procédé qu'avant, mais avec des instruments d'aujourd'hui. Alors, moi je vais être un peu pragmatique, puisqu'on te voit sur la scène de façon acoustique. Comment vas-tu faire lorsque l'album va sortir, que tu vas être certainement en tournée promotionnel, comment vas-tu faire avec tous ces systèmes électroniques? Il n'y en a finalement pas tant que ça. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc en fait, je vais utiliser sur scène un SPDS. Donc SPDS, ouais, n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est très simple. C'est tout simplement un pad. Voilà, c'est une espèce d'ordinateur avec 3-4 pads sur lequel on vient, voilà, on vient taper comme sur une batterie finalement. C'est douloureux? Non. Et à l'inverse d'une batterie, on peut y rentrer les sons qu'on veut pour venir après les taper dessus en rythme. Donc moi, j'avais vraiment envie de marier le blues avec cet instrument. Donc ça, plus le SPDS, plus moi ma guitare, mon chant, fera qu'on arrivera tout à fait. Et avec en plus aussi quelques sons qui viendront, qui seront lancés de mon ingé son, mais qui seront là pour venir un petit peu arrondir un petit peu tout le set et venir un petit peu, tout simplement parce que c'est les sons qu'il y avait sur l'album et que moi je voulais vraiment qu'ils y soient en concert. Alors justement, tu parles d'ingé son, tu es seul sur scène, mais il y a parfois des gens derrière toi, et pour cet album, il y a eu au moins deux personnes. Oui, alors Nicolas Steb, qui est un jeune artiste de la région lyonnaise, qui a différents groupes et qui lui vraiment la personne qui m'a apporté entre guillemets l'électro, enfin en tout cas cette approche très moderne des sons et des sonorités et qui d'ailleurs n'était pas vraiment dans le milieu du blues, et ça a finalement fait quelque chose d'encore plus magnifique finalement, parce que le fait qu'il connaisse pas, ou en tout cas qu'il se soit pas autant intéressé que moi à cette musique, finalement il n'en avait pas encore le temps d'en régurgiter les codes, et donc vraiment on a eu une approche naturelle, je dirais. Donc j'ai lui bien sûr, et sinon rapidement c'est Sébastien Coton dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, donc qui est mon luthier depuis toujours, mais qui en plus sur cet album est la personne qui a mixé l'album. Et en plus de ça, je rajouterai Matt, qui est mon ingénieur son et régisseur, qui m'accompagne sur toutes les dates, et c'est grâce à lui qu'on arrive à faire ces spectacles. On entend aussi un petit peu de gospel dans ce disque, et puis un petit peu d'incantation chamanique, j'ai envie de dire, avec notamment le titre You Better Run. Est-ce que tu as été possédé, frappé par la grâce et la lumière divine? Alors la grâce, je me permettrai pas. Lumière divine, c'est un bien grand mot. En tout cas, habité, oui, en tout cas par cette musique, quoi. Habité par l'envie de faire vivre des émotions aux personnes qui écoutent ma musique, que ce soit en live ou en album. Moi, c'est vraiment ce qui m'a touché dans la musique, c'est qui sachent lire, écrire, ou qui soient analphabète complet. Finalement, ils arrivaient avec quelques notes à transpercer le cœur d'un jeune homme qui avait 10 ans, qui savait pas parler anglais, qui savait pas du tout ce que c'était, ni qu'un esclave, ni un champ de coton, ni quoi que ce soit. Donc voilà, moi c'est juste reproduire ça le plus possible, faire vivre de l'émotion aux gens qui écoutent ma musique ou qui viennent me voir en concert. Ouais, c'est vraiment la chose primordiale, plus que de briller, se présenter ou faire de la démonstration, c'est vraiment toucher les gens. L'album s'appelle Way to Win. Il sortira cet automne sous le label Black and Blue. Oui. Tiens, c'est le label de Jean-Pierre Vignola. Et je crois qu'aussi, c'était le programmateur de Vienne. Il y a un petit lien avec Vienne quand même. Non, mais comme quoi, finalement, cette fameuse première partie s'est plutôt bien passée. Puisqu'après, j'ai eu la chance qui ça vient de là, part son label. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était après Vienne finalement. Il m'a passé un coup de fil pour avoir des nouvelles, savoir où est-ce que j'en étais de mon album. Voilà, je lui ai dit un petit peu les nouvelles et lui m'a dit j'aimerais le sortir sur le label avec grand plaisir. Et donc ça s'est fait pour premier et j'ai la chance et l'honneur que ce sera le cas également pour le deuxième. En tout cas Olivier Gauthier, merci. En tout cas j'espère que ceux qui achèteront cet album auront la même émotion que Cédric et moi nous avons ressenti. Merci beaucoup en tout cas Olivier, et puis moi, on souhaite vraiment juste deux minutes, pardon, je te coupe, c'était uniquement pour vous remercier pour ce que vous faites, parce que grâce à vous, nous on a la chance d'avoir un endroit où il y a du public, où on peut également parler de nos activités, que ce soit nouvel album ou autre, et vraiment grâce à vous, on peut être là, on peut parler de nos actualités, ça nous laisse des plages pour pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait, pardon, et de pouvoir l'expliquer. Donc encore une fois, au nom de tous, autant de tous les musiciens et j'imagine aussi de beaucoup de personnes du public, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir la dernière émission de la saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe du Millennium, Gilles, Ludo, Seb, ils sont nombreux. Et c'est grâce à eux aussi qu'on est là avec tous ces artistes. Merci à T&Bo qui a assuré durant toute cette saison les captations vidéo de ces soirées. Merci au studio Magneto, et vous allez voir que je m'arrêterai là, qui assure le mixage de ces émissions. On vous souhaite de passer un bel été. On vous rappelle qu'au bord de la piscine ou sur la plage, vous pouvez écouter Blues Café, la web radio, 24h sur 24, sur bluescaféradio.com. Et également, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur le site de cette émission, bluesactu.com. Bel été à tous, bon festival et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On laisse la scène à Olivier Gauthier pour un dernier titre. À bientôt, ciao.